Bonjour et bienvenue à la méditation sur la gratitude. Commence par trouver une position confortable, assise ou allongée. Ferme les yeux afin de rentrer à l'intérieur de toi. Et ferme la bouche afin de ne respirer que par le nez. Les narines filtrent mieux l'air entrant que la bouche et permettent également une respiration plus lente et donc plus sereine. Deviens complètement immobile. La seule chose qui bouge en toi est l'air qui entre et sort de ton corps. Observe ta respiration. Remarque comme l'air qui entre est plus frais que l'air qui sort. Et, sans forcer, tâche de ralentir ta respiration, de telle sorte qu'elle devienne comme un doux filet magique qui vient te caresser à l'intérieur en rentrant et sortant de ton corps. Si pendant la méditation tu es pris par des pensées, c'est normal. Et c'est pas grave. Quand tu t'en rends compte, ramène simplement ton attention à la sensation de l'air qui entre et qui sort. Le but de la méditation d'aujourd'hui est d'entraîner ton cerveau à produire du contenu positif naturellement. On sait aujourd'hui que la plastique du cerveau change constamment, et que plus nous nous efforçons à penser des pensées positives, telles que des bons souvenirs, plus nous aurons des pensées positives automatiquement dans le futur, et moins nous serons troublés par des pensées négatives telles que la colère, la peur ou la frustration. Focalise ton attention d'abord sur quelqu'un que tu aimes et que tu es reconnaissant d'avoir dans ta vie. Rappelle-toi à un moment précieux avec cette personne. Essaye de ressentir dans ton corps la joie que tu avais pendant ce moment. Essaye de ressentir dans tout ton corps la joie que tu as d'avoir une telle personne dans ta vie. Rappelle-toi que tout le monde n'a pas la chance d'avoir une telle personne dans sa vie. doucement par le nez et ressens dans tout ton corps l'amour que tu as pour cette personne. Ressens la gratitude entrer en toi à chaque inspiration. Si d'autres pensées te viennent en tête, c'est normal et c'est pas grave. Quand tu t'en rends compte, ramène simplement ton attention à la sensation de l'air qui entre et sort de tes narines. Maintenant, rappelle-toi une expérience des sens qui t'a amené du plaisir récemment. Par exemple, un repas trop bon, un moment de musique génial, un coucher de soleil incroyable ou une expérience sexuelle tripante. Essaye de te rappeler la sensation de bien-être que tu avais pendant ce moment. Essaye de ressentir dans tout ton corps la joie que tu éprouvais pendant ce moment. Respire doucement par le nez et ressens dans ton corps l'amour de la vie que tu avais à ce moment. Sens la gratitude entrer en toi à chaque inspiration. Si d'autres pensées te viennent en tête, c'est normal et c'est pas grave. Quand tu t'en rends compte, ramène simplement ton attention à la sensation de l'air qui entre et sort de tes narines. Enfin, rappelle-toi un moment où tu as donné quelque chose à quelqu'un et ça t'a rendu heureux. Peut-être était-ce un cadeau que tu as offert, peut-être que tu as donné ton temps, ou même juste un compliment. Rappelle-toi comme tu te sentais à ce moment. Essaye de ressentir dans tout ton corps la joie et la satisfaction que tu éprouvais à ce moment. Ressens la gratitude entrer en toi à chaque inspiration. La musique va continuer encore pendant quelques minutes. Continue à respirer doucement et te concentrer sur la sensation de l'air qui entre et qui sort jusqu'au son de la cloche. La méditation est presque terminée, mais garde les yeux fermés encore quelques instants. Étire-toi doucement. Prends conscience doucement de ce qui t'entoure, la température de la pièce. Et la sensation de tes vêtements sur ton corps. Peut-être une odeur ou des bruits ambiants. L'instant présent. J'espère que cette méditation t'a été agréable. À bientôt.